Chapitre 34e, la Sainte Nitouche. Tiphaine Gervelier avait la rage et ne parvenait pas à s'endormir. Dire que celle qu'elle avait cru naïvement être son amie dormait paisiblement à quelques mètres d'elle, c'était insupportable. Elle avait envie de hurler et de tout casser autour d'elle. Jamais elle n'aurait pu imaginer. Elle était si outrée qu'elle ne savait simplement pas comment la qualifier. Tous les termes qui lui venaient étaient trop faibles, même s'ils étaient justes. C'était une sournoise de première, et Tiphaine ne regrettait plus à présent ce qu'elle avait fait. Oui, elle avait commis une indiscrétion, et si c'était à refaire, elle agirait exactement de la même manière. Elle ne regrettait rien. Elle allait enfin pouvoir abattre le caquet de cette Thérèse Turandot qui se croyait si supérieure. Surtout que pour quelqu'un qui avait une si haute idée de sa personne, elle s'était méchamment plantée. Pourtant, elle aurait bien dû se douter que, grattant soir après soir comme elle le faisait, elle allait finir par exciter la curiosité de Tiphaine. Il est vrai que le premier soir, personne n'aurait pu prévoir que Tiphaine allait se réveiller rien qu'en entendant le crissement du stylo sur le papier. Manque de chance pour Thérèse, Tiphaine avait toujours eu le sommeil léger. Dire qu'elle s'était sentie embarrassée, c'est pour cela, au départ, qu'elle avait choisi de ne pas bouger ni de faire aucun bruit. Seulement, Thérèse avait écrit longtemps et l'avait entendu rire tellement méchamment que cela l'avait intriguée. D'autant que depuis lors, la même scène s'était reproduite chaque soir. Tiphaine avait rapidement acquis la conviction que Thérèse devait donc avoir un secret et elle brûlait de le connaître à son tour. La veille, coup de maître, elle était parvenue à voir où Thérèse cachait son journal. Aussi, à l'heure de midi, Tiphaine était subrepticement retourné dans sa chambre et s'était jeté sur le cahier bleu. Il y avait bien un cadenas, mais la clé était dessus. Elle avait pu alors se glisser sans peine dans les pensées de Thérèse, et le voyage fut pour le moins traumatisant. Comment aurait-elle pu imaginer? Tiphaine avait immédiatement été écœurée par la méchanceté gratuite étalée devant ses yeux. Elle avait commencé par rejeter le cahier avec dégoût, avant de reprendre sa lecture. Elle avait été ravie d'apprendre qu'elle n'était qu'une nouée. Puis lentement, son intérêt s'était éveillé, car quelque chose avait fait tilt le Club 23. Elle était sûre de l'avoir déjà entendu mentionner quelque part, mais pas dans le cadre des tournelles. Cela s'était mis alors à bourdonner dans sa tête, comme si elle avait un considérable effort de mémoire à fournir, comme si cela pouvait se révéler important. Évidemment, elle avait lu le reste, mais elle n'avait fait aucun effort pour le retenir. Elle était trop préoccupée, et d'ailleurs, Dupreux, le professeur d'anglais, s'en était aperçu peu après. Le cours fut interrompu en pleine lecture, mais Tiphaine se sentait complètement absente. « Seule, hein, vous êtes avec nous, mademoiselle Gervelier ?» l'avait quelque peu ramenée à la réalité, et encore, l'effort avait-il été très pénible. D'ailleurs, contrairement à l'habitude, la remarque n'apporta aucune hilarité, mais la jeune fille n'y attacha aucune importance. Elle se sentait tout à coup si loin. Puis soudain, elle eut très chaud et mal au cœur. Sa tête lui semblait être sur le point d'exploser. Elle devait absolument se reprendre, car sinon elle allait inquiéter tout le monde. Naturellement, cette si gentille Thérèse se proposerait pour l'accompagner à l'infirmerie, ce qu'elle ne voulait pour rien au monde. Alors, du plus profond d'elle-même, une voix froide l'avait exhortée à ne pas se comporter en mauviette. « Tu veux vraiment qu'elle gagne sur toute la ligne ?»« Non !» Intérieurement, elle s'était répété le mot trois fois, avec une vigueur nouvelle. Puis elle s'était redressée de toute sa hauteur. Cette fois, il y avait du défi dans le regard. C'est toutefois d'une voix habituelle qu'elle parvint à souffler que « Oui, cela allait !» Elle eut la satisfaction de voir que Dupreux avait saisi le message, même s'il voudrait sans doute l'avoir à la fin du cours. Son voisin lui serra alors gentiment l'épaule. C'était un très gentil garçon, avec qui elle s'entendait plutôt bien, mais dont elle oubliait constamment le nom. Le cours reprit, mais Dupreux était alerté. Tiphaine tenta sans grand succès de s'y intéresser, mais c'était vraiment trop d'effort. Elle se perdit une nouvelle fois dans ses pensées. Pourquoi ce club 23, qui par ailleurs paraissait parfaitement occulte, lui semblait-il si familier? Soudain, elle se dit que Thérèse, en dépit de tout, avait raison. Elle était vraiment Noé. Aussi commença-t-elle à se frapper énergiquement, sans prendre un instant conscience qu'elle était en pleine salle de classe. Puis, impuissante, elle se mit à crier. Lucien Dupreux n'avait jamais brillé par son courage, et il se souviendrait longtemps de ce cours, de cette fille qui avait pété les plombs. Il se souviendrait aussi longtemps que, bien qu'il ait vu la crise venir, il s'était montré parfaitement impuissant à intervenir. Il savait qu'il aurait dû renvoyer tout le monde, mais il ne l'avait pas fait. Il avait naïvement pensé que cela pourrait attendre l'intercours, ce en quoi il s'était lourdement trompé. Il aurait pu également utiliser l'autre alternative, la renvoyer dès le début du cours. Seulement, c'était impossible puisqu'il ne lui avait porté aucune attention particulière. Pour lui, elle faisait partie du troupeau. Elle ne faisait pas de bruit. Dès le début de l'année, il l'avait rangée dans les plus faibles, et il n'avait pas révisé son jugement depuis. Elle se mettait toujours à la même place. Le plus beau était qu'elle n'était jamais très éloignée de son champ de vision. C'est ainsi qu'il avait eu tout le loisir de la voir passer du blanc au rouge, puis à nouveau au blanc. Naturellement, Thérèse Turandot avait voulu intervenir, ce qui, au demeurant, lui allait très bien. Mais quelqu'un ne l'avait pas laissé faire. Le reste de la scène était plus flou. Un élève était parti chercher Madrier pendant que la fille était évacuée. Lucien Dupreux essayait de se convaincre que c'était la pression de l'examen, tout en sachant pertinemment qu'il était de mauvaise foi. Tiphaine Gervelier, il se souvenait à présent de son nom, ne se présenterait pas au bac. Elle n'était pas sur les listes. Sans doute était-elle consciente de son niveau. Il ne l'avait jamais rangée dans la catégorie des idiotes, même s'il n'avait pas d'opinion bien arrêtée à son sujet. C'était, jusqu'à ce jour, une élève typique des Tournelles. Alors pourquoi avait-il fallu que cela arrive précisément dans son cours? Maintenant, la nouvelle allait faire le tour de l'établissement, et on ne manquerait pas de moquer son absence de réaction. Dupreux, qui n'était pas particulièrement apprécié de ses collègues, allait encore prendre pour son grade. Ce n'était vraiment pas une bonne chose. Desserre pouvait se féliciter d'être resté sobre, car cela lui avait permis de prendre les choses en main sans difficulté. Il ne connaissait pas très bien cette fille discrète, même s'il était placé à côté d'elle. D'ailleurs, il ne l'avait jamais vraiment regardée, ce qui expliquait son choc de découvrir une assez jolie rouquine. Habituellement, il ne les aimait pas, mais quelque chose chez elle l'avait immédiatement attiré. Peut-être parce qu'elle n'avait eu aucun geste de recul, quand il lui avait très délicatement pris les mains. Elle s'était salement griffée, mais au moins elle semblait avoir retrouvé un peu de contrôle. Maintenant, elle tremblait. Il la conduisit à l'infirmerie où, naturellement, l'infirmière refusa de lui donner quoi que ce soit. Desserre n'en fut pas surpris. Il pensait depuis longtemps qu'en fait elle n'avait pas la qualification requise. Toutefois, pour une fois, elle ne le raboyait pas dessus, ce qui pour elle relevait de l'exploit. Elle conseillait même de lui faire respirer un peu d'air frais. Si vraiment, après... C'était bon, Desserre avait compris. Laissons faire la nature. La fille, Tiphaine, pleurait toujours. Dehors, bien évidemment, il pleuvait et il faisait vraiment froid. Mieux valait peut-être se mettre sous le préau. Heureusement, il n'y avait personne autour et soudain, la fille parvint à se calmer. Elle sembla regarder Desserre pour la première fois, puis comme si elle était parvenue à se souvenir de quelque chose de très important, un sourire fugace se fit jour sur son visage. C'est avec triomphe qu'elle prononça « grand-père ». Desserre la regarda pour le moins estomaquée et Tiphaine nota sa surprise. Elle vit aussi qu'il était très mignon, mais ça, ce n'était pas une nouveauté. Ce qu'il était en revanche, c'est qu'il s'était rasé de frais et sentait délicieusement bon. Son moral commença à remonter un peu. Le garçon, toutefois, n'ayant toujours pas l'air de comprendre, elle ajouta « Je vais demander à grand-père au sujet du club 23. Lui devrait pouvoir m'en renseigner. » Desserre faillit bien tomber à la renverse. Elle ne pouvait pas savoir. Sans doute était-elle folle. C'était vraiment dommage car elle n'était vraiment pas mal. Elle avait de très jolis yeux. En tout cas, elle avait l'air de complètement ignorer son rôle dans l'affaire. Peut-être que s'il la cuisinait finement, mais il n'en eut pas le loisir parce que le joli minois s'assombrit à nouveau. Desserre sentit qu'il ne pouvait pas la laisser seule, car elle semblait sur le point d'exploser à nouveau, et une fois de plus, il ne fut pas déçu. La salope. Vraiment, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse être aussi mauvais. On peut dire qu'elle sait cacher son jeu. Dire que j'ai cru un temps qu'elle était mon amie. Elle a raison, je suis vraiment une nouée. J'ai vraiment été longue à la détente. Devant la crise renaissante, Dessert secoua la fille sans ménagement. Maintenant, il voulait comprendre avant qu'elle ne s'amoche à nouveau. « Enfin, de qui parles-tu ?» La fille sembla à nouveau revenir sur terre et le regarda avec une surprise non feinte. « Enfin, de cette sainte nitouche de Thérèse Turando, pardi !»« Ah, c'est sûr, quand on la voit comme cela, on est loin de se douter. Mais moi, j'ai lu son journal. »« Qu'est-ce que tu as dit ?»« Oh, tu as parfaitement entendu. J'ai trouvé son journal et je l'ai lu. » Soudain, Dessert vit cette fille sous un jour complètement nouveau. C'était comme s'il revoyait soudain la lumière. Serait-il, sans le vouloir, enfin tombé sur celle dont il avait besoin? Il n'osait l'espérer. Surtout qu'à vrai dire, elle lui plaisait de plus en plus. Il serait finalement très intéressant de savoir ce qu'elle avait appris. Dès lors, Terminal n'aurait plus qu'à bien se tenir. Surtout qu'à présent, elle avait perdu tout attrait pour lui.